بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. قد أخذنا أمس الدرس الأول. طيب مثال للاسم شرع، أن example للاسم شرع. هذا. طيب متى نستعمل هذا؟ متى سنتيز هذا؟ Un exemple, donne-nous un exemple. À votre tour, tout le monde entend. Comment ? Hada waladun. Hada waladun. Taïb, hada qu'on a, ismi shara, c'est un ismi shara. Lil kharib, également. Mufrad, mudakar. Même un mufrad, Saber. Qu'est-ce que ça veut dire mufrad ? Mufrad, qu'est-ce que ça veut dire ? Pluriel. On n'a pas étudié pluriel. Waladun, singulier. Singulier, mufrad. Mudakar. Masculin. Masculin. طيب ما شاء الله. إيه هذا اللي تجلس بقى عقل غير عقل؟ غير عقل. غير عقل. ليس بخير فهم. T'as compris ma question? C'est-à-dire j'ai demandé هذا est-ce qu'on l'utilise que pour les choses qui ne résonnent pas ou pour les deux? Qui ne résonnent pas. C'est-à-dire هذا ولدون c'est faux. Hein? Pour les deux. Pour les deux. T'as un exemple pour une chose qui ne résonne pas? هذا كتاب. Une chose qui résonne. Un exemple avec Hada, une chose qui résonne. Masjid, c'est inerte, ça ne résonne pas. Hada. La mosquée, ça résonne là. Alors, Masjidun, Hada, là. Hada, c'est qui ça? Hada, Marwan, Hada, Abdelkarim, Hada, Waladun. Taïb, Barakallahu fik. On avait dit que le plus souvent, Hada, on l'utilisait pour une chose qu'on voyait. Taïb. طيب ان شاء الله voilà هذا عبد الكريم tu peux utiliser également هذا par exemple le frère عبد الكريم il me donne une idée dit هذا راي صواب راي كما معنى راي c'est une idée ça c'est un bon exemple c'est une bonne idée est-ce que l'idée on la voit là on voit pas le fond un homme vient dit من الله tu dis الله هذا ربنا est-ce qu'on a vu الله on le verra inshallah. Vous avez compris ça? ولكن الغالب يستعمل هذا لشيء الذي ترى هذا كتاب هذا قلم هذا أخ إلى آخر. C'est compris ça, à savoir? Hein? Bien ou? Vous avez pas en fait? Si vous mettez, on a dit que هذا on l'utilisait le plus souvent pourquoi? Pour les choses perceptibles qu'on voyait. Mais il peut s'avérer comment? Non, non, les choses qu'on voit, il n'y a rien à voir avec Karib là. On peut voir une chose qui est très loin. Hein? La montagne, elle est très loin. Elle est loin. Et je la vois. Perceptible, c'est-à-dire une chose qu'on voit. Mais il peut s'avérer qu'on utilise le ismi shara pour des choses qu'on n'a pas encore vues. Ou qu'on ne voit pas. Allah, on l'a vu? Est-ce qu'on a vu Allah? On ne l'a pas vu. Mais on peut dire par exemple quelqu'un, le petit, il a été dit, Abimen Allah, tu diras quoi? Allah. Tu diras Hada Rabbuna. Taïb, le frère par exemple, il nous donne une bonne idée. On dira quoi? Hada Rayun Sawab. Ça c'est une bonne idée. Est-ce que l'idée on la voit? On ne voit pas l'idée. Ça c'est une parole. Vous avez compris ça? Barakallahu fik. Il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, tu dis At-Tafsir. Tu diras quoi? Le Tafsir, on parle Al-Qur'an. Tu dis Hada Ilmun Nafi'un. C'est une science utile. Est-ce que la science, ça se voit? On voit pas. Et pourtant, on a utilisé quoi? Hada. C'est compris ça, Inch'Allah? Vous avez entendu là? Vous avez compris? Oui. Ma hada, c'est quoi? Le ma ici. Ma hada, le ma ici, ça s'appelle comment? Comment? Taïb, mais c'est quoi? C'est un ism, c'est un verbe. C'est un ism. Ism, taïb. Et on l'utilise pour quoi? C'est Mohamed, hein? Pourquoi on l'utilise? Non, tu nous as dit c'est quoi? Mais pourquoi on utilise le ma ici? C'est-à-dire on s'interroge sur une chose qui n'est quoi? Qui ne résonne pas. C'est compris ça? Quand on utilise